marché, c'est à debout. La fatigue est insupportable. Des mois sans être élevé, les attentes sont interminables. Dans la nuit, je vais cracher. Mais qui est ton ennemi? C'est contre moi que je combats. Mais qui est ton ennemi? C'est contre moi que je combats. Agirez bien, me tirez. Mais seuls les morts sont évacués. Et toutes les fois que j'entends chercher, mon estomac s'est mis à se nouer. Et c'est celui qui a crié que j'ai envie de tuer. La première bombe a déjà soufflé. Je prends mon souffle et j'y vais. Mais qui est ton ennemi? C'est contre moi que je combats. Mais qui est ton ennemi? C'est contre moi que je combats. Ah, c'est qui je ne voudrais jamais. Les cris des hommes mutilés. Je sens moi le dégoût monter. L'odeur des gaz encore plus fixé. Je me lève tremblotant. Dans la nuit je vais échapper. À 18 ans mon condamné. À ce cauchemar à perpétuité.